السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا على نعمه الغزيرة الكثيرة، ومن تلكم النعم نعمة الإسلام والإيمان، ونعمة السنة ومعرفتها والتمسك بها بإذنه سبحانه وتعالى. ومن نعم الله العظيمة التي يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها نعمة العلم وتدارسه، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نستشعر هذا الخير العظيم الذي ساقه الله سبحانه وتعالى إلينا، ونشكره سبحانه وتعالى على ذلك، ونسأله المزيد من ذلك، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. Donc, nous louons notre Seigneur سبحانه وتعالى d'une pleine louange pour les bienfaits immenses et indénombrables dont il nous a fait part سبحانه وتعالى. Le bienfait de l'islam, de la foi, de la sunna, de son apprentissage, et le fait de s'y cramponner par son aide subhanahu wa ta'ala. Tout comme nous avons parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala immenses, pour lesquels il mérite remerciement et louange subhanahu wa ta'ala, le bienfait de la science et de son apprentissage. Ni'matul ilm wa tadarusihi wa ta'allumi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui rappelant ses bienfaits sur lui, il dit subhanahu wa ta'ala d'après le sens du verset: et il t'a appris ce que tu ne connaissais pas. La grâce et la grâce d'Allah à ton égard a été immense. Et il t'a appris ce que tu ne connaissais pas. Et la grâce d'Allah à ton égard a été immense. Et donc c'est pour cela qu'il incombe à chacun d'entre nous de se rendre compte de ce bienfait immense qui est la science et son apprentissage. Et donc de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela et de lui demander qu'il augmente son bienfait sur nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qur rabbi zidni ilman, et dit: ô Seigneur, augmente-moi en science. Wa qur rabbi zidni ilman. Et donc, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'oublions pas de remercier toute personne ayant contribué à la concrétisation de ce séminaire. En premier lieu, notre frère Youssouf Abou Abd al-Razzaq, waffaqahullahu, qu'Allah récompense ses efforts, ainsi que tous les intervenants et toute personne ayant contribué à cela de loin ou de près. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter nos œuvres et de nous accorder la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, et de combler nos manquements et de pardonner nos fautes, subhanahu wa ta'ala. Cela étant dit, donc, le sujet de cette assise et de ces assises qui vont venir est, comme vu par chacun, l'explication du chapitre de Al-Istighfar, la demande de pardon, tiré de l'épître de l'éminent savant Al-Imam Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi Rahimahullah. Et avant donc de commencer à lire les propos de l'auteur rahimahullah, ainsi que les versets et les hadiths qu'il va citer dans ce chapitre, il convient de faire une petite introduction concernant al-istighfar, la demande de pardon, concernant son sens, ainsi que la racine de laquelle ce mot est tiré en arabe, un point qui nous permettra de mieux comprendre son sens, ce qui est voulu par al-istighfar, la demande de pardon en arabe, ainsi que la différence qu'il peut avoir entre al-istighfar, la demande de pardon, et al-tawba, le repentir, qui viennent souvent ensemble, ou qui prennent un sens qui est proche, comme on va le voir, et voir aussi certains mérites de al-istighfar, donc la demande de pardon. Puis pour finir par voir certaines formes à travers lesquelles le musulman peut faire al-istighfar et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement, le sens linguistique du mot al-istighfar, ma'na al-istighfar lughatan. Donc ce mot est tiré du verbe ghafara, donc sur lequel on a ajouté les trois lettres qui sont al-alif, was-sin, wa-ta. Lorsqu'on dit istaghfara, donc on a ajouté ista, et le mot de base est ghafara. Ce mot ista qui vient souvent pour donner le sens d'une demande, comme par exemple lorsqu'on dit ista'ana, la demande d'aide, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ou istaghatha, la demande de secours. Donc on a ajouté ista, le mot de base est ghatha, donc al-ra'ouf. Ou bien istasqa, la demande de pluie. Donc le mot de base, saqa, sur lequel on a ajouté ista. Donc ici, on voit que chacun de ces verbes commence par les lettres donc réunies dans le mot ista. Le alif, le sin et le ta, donc comme cité, qui prend le sens de la demande. Donc ici, istaghfara, la demande de pardon. Donc, puis, quant au mot ghafara, donc qui est la base, car lorsqu'on retire le ista, qui pour la demande, il nous reste le ghafara, le ghain, le fa et le ra. Donc ce mot-là lui-même a comme dérivé, qui est tiré de la même base, le mot mirfar, qui est le singulier du mot marafir. Donc on a le mot ghafara qui est notre base, qui est dérivé, lui et d'autres mots, de la lettre ghain, fa et ra. Et parmi les mots qui sont dérivés de cette base-là, nous avons le mot mirfar, que les savants citent pour expliquer le sens de istighfar. Donc le mirfar qui est donc un équipement de guerre, donc qui est l'équivalent d'un bouclier ou bien d'un casque. Donc un bouclier pour la tête ou bien un casque. Donc c'est une côte de maille en fer ou en cuivre ou autre que le combattant place sous son couvre-chef ou bien sous son casque. Hada huwa al-mirfar. Donc comme on voit qui est tiré aussi du ghain, du fa et du ra. Donc maintenant on veut savoir le lien qu'il y a entre le mirfar et la demande de pardon qui est tirée du mot ghafara. Donc ici, tout comme le mirfar recouvre et cache la tête, car c'est l'équivalent d'un casque qui va être sur la tête. Donc il recouvre et il cache la tête. Et deuxièmement, il a comme intérêt de protéger la tête du combattant de l'impact des coups qu'il peut recevoir. Donc on a ces deux points-là, le fait de recouvrir et de cacher, et le fait de protéger de l'impact des coups. Donc à partir de ça, une fois que nous avons compris ces deux points, donc qui sont le fait de protéger et de recouvrir et de cacher, cela nous permet de comprendre le sens de al-istighfar du point de vue shar'i, du point de vue religieux. Car souvent, les termes shar'i donc, ont une base qui est l'orawi, et le lien est souvent très proche entre le lien l'orawi et shar'i, et simplement que le lien, le sens shar'i va souvent être plus restreint que le sens l'ouraoui qui aura un sens général. Donc ici, on a la protection et le fait de cacher et de recouvrir. Voilà pourquoi en arabe, on nous dit que l'istighfar huwa al-satr, talabu satr, satr al-dhanb, wa al-wiqaya min athar al-dhanb. Donc le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'istighfar, qu'Allah recouvre et cache les péchés que le serviteur a pu commettre, et qu'il ne les dévoile pas aux yeux de serviteurs. Donc ici, on a le fait de recouvrir. Deuxièmement, al-wiqaya, le fait de le protéger contre l'impact de ses péchés, qui est le châtiment. Donc on voit qu'on retrouve ces deux points-là dans l'istighfar. Donc une chose qu'il est important de comprendre, car lorsque la personne dit astaghfirullah, elle doit comprendre qu'à travers cela, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala ces deux points-là. En yastourahu Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le voile, qu'Allah voile le péché qu'il a pu commettre. Et deuxièmement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège des mauvaises conséquences qui peuvent découler de ce péché qui sont le châtiment. Astaghfirullah. Idhan, satru dhambi wal wiqayatu min adh-dhanb. Puis en plus de cela, nous avons aussi an-nadam, donc le regret, qui vient s'ajouter à la demande de pardon, et qui est le fait que le serviteur regrette d'avoir commis ce péché. Mais ce point-là, le regret, nous ramène, nous pousse à entrer dans le deuxième point, qui est la différence qu'il y a entre al-istighfar, qui est la demande de pardon, et at-tawba, qui est le repentir. Donc ici, les gens de science citent que ces deux mots font partie des catégories de mots qui, lorsqu'ils sont cités séparément, donc lorsque l'un est cité sans l'autre, prennent le même sens. Comme le mot al-islam et al-iman, la foi et l'islam, ou bien al-birri wa taqwa, donc la piété et le bien. Donc ces mots-là, lorsqu'ils sont cités tout seuls, ici comme al-istighfar ou bien tawba, donc alors le sens englobe la demande de pardon, donc du serviteur pour qu'Allah voile ses péchés et le préserve du châtiment, et donc ce qui peut découler des péchés, et aussi le fait de regretter le péché et de revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la ferme intention de ne plus accomplir ce péché-là dans le futur. Donc ici, les deux sont réunis. Le fait de se repentir et le fait de demander à Allah de voiler et de préserver le serviteur des mots qui peuvent découler du péché. Donc lorsque le mot istighfar vient tout seul ou bien le mot tawbah vient tout seul. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après l'essence du verset à propos des serviteurs pieux. Il nous dit subhanahu wa ta'ala والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ceux qui, s'ils ont commis un grand péché ou ont été injustes envers leurs âmes, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leur péché. Donc ici, elle est istighfar. Donc elle englobe le fait de demander à Allah de voiler le serviteur, de le préserver des maux qui peuvent découler du péché, et aussi le fait de regretter le péché, de revenir repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala dans le futur. Alors que lorsque ces deux mots, At-Tawbah et Al-Istighfar, sont cités ensemble, comme si, mathalan, ils étaient dans un seul verset, alors à ce moment-là, il est voulu par Al-Istighfar un sens et par At-Tawbah un autre sens. Donc lorsque Al-Istighfar, la demande de pardon, et At-Tawbah viennent ensemble, alors il est voulu par Al-Istighfar la demande de pardon de ce qui est passé comme péché. Donc comme cité, quant au fait qu'Allah voile le serviteur et le protège du châtiment qui peut découler de ce péché. Alors que la tawbah, à ce moment-là, prendra le sens que le serviteur revient repentant à Allah subhanahu wa ta'ala dans le futur, dans ce qui va venir. Par le fait de délaisser ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste et d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc, pour résumer, al-istighfar prendra le sens de ce qui est passé et at-tawbah prendra le sens de ce qui est à venir. Donc lorsque je dis astaghfirullah wa atubu ilayhi, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui est passé et qu'il me préserve, qu'il me voile et qu'il me préserve du châtiment de ce péché-là. Et atubu ilayhi, j'ai la ferme intention de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant, je regrette ce péché et j'ai la ferme intention de ne plus tomber dans ce péché-là. Nous avons les deux mots al-istighfar et at-tawbah réunis dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans sourate Hud. Et demandez pardon à votre Seigneur et ensuite revenez à lui. Donc ici, demandez pardon pour ce qui est passé et ensuite revenez à lui, donc dans ce qui est à venir, par le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et de délaisser ce qu'il déteste. Subhanahu wa ta'ala. Puis donc dans ce même verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la suite: يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, et si vous faites cela, donc c'est-à-dire demander pardon et se repentir, il vous accordera une bonne jouissance jusqu'à un terme fixe. Et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Donc ici, ce qui nous fait passer au troisième point, qui est ce qui nous permet de savoir et de voir certains des mérites qui découlent de al-istighfar wa at-tawbah, la demande de pardon ou du repentir. Donc ici, entre autres, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, il vous accordera une bonne jouissance. Donc si vous vous repentez et vous demandez pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous accordera une bonne jouissance jusqu'à un terme fixe et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Donc, ici, parmi les bienfaits qui découlent de al-istighfar et al-tawba, la demande de pardon et le repentir, en plus du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala voile son serviteur et le protège du châtiment, le fait que al-istighfar soit une cause permettant d'obtenir une bonne subsistance provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, mata'an hasanan, par laquelle le serviteur pourra jouir et profiter. Mata'an et yastamti'u bihi. Le serviteur pourra jouir de cette subsistance provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit dans surat Nuh, les propos de Nuh alayhi salam lorsqu'il dit à son peuple: j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur. Faqultu astaghfiru rabbakum, car il est grand pardonneur, innahu ghaffaran, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Donc ici, la demande de pardon est une cause permettant l'obtention du risque de la subsistance. Donc la pluie, qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, la descendance, qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et les biens. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants. Ici, le sens en arabe, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yursili sama. Donc le verbe ici prend une kasra yursili, alors qu'il devrait avoir une damma. Car le sens ici, il y a un sous-entendu. Le sens en arabe est que si vous faites cette chose-là, Allah vous accordera cette chose-là. Ce qui est appelé jawab al-talab. Donc si vous demandez pardon à votre Seigneur, alors il vous enverra du ciel des plus abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et beaucoup d'enfants. Vous donnera des jardins et vous donnera des rivières. Donc ici, on voit clairement que talab al-rizq ou talab al-istighfar min asbab al-rizq. Tout comme la demande de pardon est aussi une cause permettant de dissiper les peines et les angoisses et de sortir des situations difficiles. Yakunu makhrajan min ad-dhiq. Comme il a été rapporté par l'imam Abu Daoud et autres, d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma, la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: celui qui est constant dans la demande de pardon, Allah lui accorde une issue favorable à toute situation difficile, un soulagement à chaque peine et lui accorde sa subsistance de là où il ne s'attend pas. Et parmi les mérites, quant au fait d'être constant dans la demande de pardon, le fait que cet acte, qui est le fait de demander pardon, soit celui par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a plusieurs fois décrit dans le Coran ses serviteurs pieux. À leur tête, le meilleur des enfants d'Adam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a pardonné ses péchés passés et futurs, qui a dit sallallahu alayhi wa sallam: je demande certes pardon à Allah dans la journée plus de 70 fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi à propos de Adam alayhi salam et Hawa qu'ils ont dit: Seigneur, nous avons certes été injustes envers nos âmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi à propos de Nuh alayhi salam qui a dit: et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai certes du nombre des perdants. Et il a aussi dit subhanahu wa ta'ala à propos de Moussa alayhi salam qui a dit: Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfar lah. Ô Seigneur, j'ai été injuste envers mon âme, pardonne-moi donc. Et nous avons bien l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala cite la demande de pardon et le repentir des meilleurs, des serviteurs qui sont les prophètes et messagers alayhimu salatu wassalam. Donc tout cela montre l'obligation et l'immense besoin du serviteur quant au fait de constamment demander pardon à son Seigneur subhanahu wa ta'ala et de se repentir à lui. L'uzum at-tawba wal-istighfar. Thumma, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi à propos de ses serviteurs pieux, fi akhir surati al-Imran, il nous dit subhanahu wa ta'ala fi bidayati al-Imran, ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah et ceux qui implorent le pardon juste avant l'aube. Ceux qui implorent le pardon juste avant l'aube. Il nous dit aussi, subhanahu wa ta'ala, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon. Et la demande de pardon et le repentir sont aussi une cause pour obtenir la réussite, al-falah, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » Et revenez tous, repentant vers Allah, ô vous les croyants, afin d'obtenir la réussite. Tout comme nous avons parmi les mérites de la demande de pardon, le fait qu'il soit un des points par lequel se distingue le pervers du pieux. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Kullu bani Adam khatta » Tout enfant d'Adam est pécheur, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à propos de ses serviteurs pieux, ce sont ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes, ou s'ils ont été injustes envers leurs âmes, donc par les péchés, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est ce qui pardonne les péchés, si ce n'est Allah? Puis nous dit subhanahu wa ta'ala, et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait, alors qu'ils savent. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le point qui va distinguer le pieux du pervers, car chaque être humain commet des péchés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé les pieux par le fait que lorsqu'ils font une turpitude, qui est un grand péché, ou bien qu'ils ont été injustes envers leurs âmes par d'autres péchés qui sont moindres que les grands péchés, se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Donc ici, ce qui va distinguer le pieux du pervers est la demande de pardon, l'istighfar, et le fait de ne pas persister dans le péché. Ensuite, parmi les mérites de la demande de pardon, le fait qu'il est une cause pour repousser le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla nous dit, d'après l'essence du verset, « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ » وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah n'est pas de tel à les châtier alors que tu es parmi eux, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah n'est pas de tel à les châtier alors qu'ils demandent le pardon. Donc ici, la demande de pardon est une des causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala repousse le châtiment provenant de lui subhanahu wa ta'ala. Puis, concernant les formules à utiliser lors de la demande de pardon. Donc, pour cela, il a été rapporté plusieurs manières. Le serviteur peut simplement dire « Astaghfirullah, Astaghfirullah » et répéter cela à tout moment de la journée, ou en particulier dans les moments où cela a été légiféré, où cela est une sunnah, comme après les salawat ou autre. Ou bien, il peut dire « Rabbi ghfirli »« Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi ». Ou bien, il peut dire, comme cela a été rapporté, أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Je demande pardon à celui dont nul ne mérite l'adoration à part lui, le vivant, celui qui se vient par lui-même, et je me repens à lui. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ou bien il peut dire رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. Ô Seigneur, pardonne-moi et accepte mon repentir. Tu es certes celui qui accepte le repentir, le miséricordieux. Tu es certes celui qui accepte le repentir, le tout miséricordieux. Ou autres formes qui ont été rapportées dans le Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada, wallahu a'lam, wa bihada yantahi darsuna al-yawm, wa sanabda ghadan fi ta'liq ala ma dhakarahu al-muallif rahimahullah. Et donc par cela, nous finissons notre assise d'aujourd'hui, et Allah est plus savant, et demain nous commencerons bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala le commentaire des propos de l'auteur rahimahullah. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.